Il est bon que nous soyons ici ce soir. Et on va laisser l'apôtre Pierre nous aider à redécouvrir cette bonté. Cet événement de la transfiguration que nous venons d'entendre dans l'Évangile a profondément marqué l'apôtre Pierre, puisque comme nous l'entendions en deuxième lecture, il va appuyer, attester son enseignement et sa prédication sur cet événement. Non pas, nous dit-il, sur des récits imaginaires sophistiqués, non pas sur des fables, des dires ou des raisonnements scientifiques ou sur des réflexions bien philosophiques. Non. Il fonde son enseignement et sa prédication sur la vision qu'il a comme témoin oculaire de la grandeur du Christ, précisément à cet événement de la transfiguration, où il nous dit qu'il a vu la gloire magnifique du Christ, et entendu cette voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. » Cet événement a donc profondément marqué la mémoire de l'apôtre Pierre, au point que lorsqu'il va donc enseigner, il va s'appuyer avec puissance sur ce témoignage, son propre témoignage, ce qu'il a vécu, vu, entendu. Et cette expérience, Saint-Pierre va la refaire au moment de la résurrection, lorsqu'il verra à nouveau dans sa gloire le Christ ressuscité. Saint-Pierre, c'est vraiment celui qui a la chance d'avoir des visions du Christ dans sa gloire. Finalement, il ne va même pas voir le Christ mort sur la croix. Il n'y aura que Saint Jean qui sera là. Mais Pierre, lui, n'y sera pas. Pierre, il va être présent au moment de manifestation dans la gloire du Christ. Et ces moments-là lui sont donnés comme des occasions aussi de s'ancrer dans une relation plus personnelle avec Jésus. Une relation plus intime aussi avec le Messie. Jésus en a choisi juste trois pour venir avec lui sur le monde et la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean. Puis chacun va vivre une expérience à ce moment-là personnelle. D'ailleurs, chacun va raconter ou faire écho de cette expérience-là d'une manière unique qui ne sera pas la même que l'autre. Cet événement de la transfiguration, il a effectivement de quoi frapper l'attention et de quoi toucher le cœur. Il me semble que dans ce moment de la transfiguration, en fait, il y a deux moments. Il y a deux moments dans la transfiguration. Il y a un moment, je dirais, de l'Ancien Testament, puis un moment du Nouveau Testament. Il y a un moment où on voit la gloire de Dieu comme on la voyait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avec éclat, la voix qui descend du ciel, la nuée lumineuse. C'est comme un récit apocalyptique, il y a tout qui éclate. Et cette voix, au point que Saint-Pierre et les deux autres tombent à genoux effrayés. Ça, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, on l'a entendu dans le livre de Daniel. Ces manifestations, ces théophanies, manifestations de Dieu, c'est ça que ça veut dire, c'est ces manifestations de Dieu qui vous coupent les jambes et vous mettent à terre. Vous me direz, ça arrive encore, hein. Ça arrive encore aujourd'hui de manière peut-être plus occasionnelle. Mais il y a un autre moment, peut-être d'ailleurs auquel Jésus veut ramener Saint-Pierre quand il vient, il le touche et il leur dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur. Relevez-vous, soyez sans crainte. » Comme pour dire « Ok, soyez pas si impressionnés, je suis là. » Ben, c'est précisément ce moment-là où Jésus se manifeste « Je suis là. » Et c'est comme ça qu'a démarré la transfiguration. D'abord, on voit Pierre, Jacques et Jean avec Jésus, puis ses deux apparitions de Moïse et Élie autour de lui. Et que dit Pierre ? Il est bon que nous soyons ici. Il est bon, il est heureux, Seigneur, que nous soyons là avec toi. Elle goûte bon, cette parole-là de Pierre. On a envie d'être avec lui. On a envie d'être présent face à Jésus et de goûter à ce moment unique de l'éternité qui s'abat, descend dans l'histoire. Et quand l'éternité descend dans l'histoire, ben, c'est comme si finalement le temps ne compte plus. Et on s'en fiche de savoir combien de temps ça prend, parce qu'on est bien, il est bon d'être en présence de toi, Seigneur. Peu importe si ça dure 5 minutes, je préférerais que ça dure l'éternité. D'ailleurs, entre nous, c'est ça qui va nous arriver. Hein. On est appelé à ça. On est appelé à vivre cet instant dans l'éternité avec le Seigneur, de nous réjouir de la présence de Dieu qui réchauffe notre cœur et à qui nous pouvons nous ouvrir entièrement. Et dans cette relation d'intimité, nous devenons pleinement ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Purifiés de notre péché, complètement accomplis dans notre être, c'est ça l'éternité, c'est ça le paradis. Alors il me semble, pour que l'éternité ne soit pas trop longue, qu'il faut nous entraîner. Ce serait bien qu'on ne s'ennuie pas au ciel, que réellement on se réjouisse de cette présence de Dieu. Et je crois que cette figure de Saint-Pierre nous offre 3 leçons ce soir. 3 leçons pour goûter à cet instant d'éternité que nous vivrons à notre mort en présence de Dieu. Alors comment on fait pour s'entraîner ? Ben, Saint-Pierre nous laisse entendre qu'il faut prendre du temps avec Jésus. Il faut lui offrir du temps. Il faut être disponible en fait pour que ce moment d'éternité descende dans notre histoire, dans notre présent. Il faut avoir le cœur ouvert et disposé à lui. Et si on veut offrir du temps au Seigneur, ben, il faut aller chercher là où on en a, ce qu'on appelle le temps libre, ou aujourd'hui on appelle ça les loisirs, le temps des loisirs. Parce que on ne va pas pouvoir prendre ce temps-là sur le temps qu'on va faire l'épicerie ou notre temps de travail. Il y a des lieux et des moments de notre vie qu'on peut offrir à Dieu, mais où on ne va pas pouvoir offrir, avoir cette disponibilité-là. Autrement dit, si on veut vivre des moments de prière intimes et intenses, une belle présence au Seigneur qui veut se révéler à nous, ben, faut aller le chercher dans nos loisirs. Alors c'est l'été, on a peut-être un peu plus de temps pour les loisirs, et on sait combien ce temps des loisirs des fois devient même tyrannique, tellement on veut en faire, et puis on veut être sûr de se reposer, puis en même temps de se distraire, et puis on ne sait plus quoi choisir, à la fin on est plus fatigué qu'au début, et même on rentre au travail plus stressé qu'on en est parti. Ça arrive. Ben ça, c'est la tyrannie des loisirs. Et notre monde qui tire beaucoup de bénéfices aussi des loisirs, parce que ça se paye d'une manière ou d'une autre, eh bien, veut qu'on en fasse le plus possible. Mais Jésus nous propose un loisir gratuit, ça coûte rien. C'est free, c'est un don, c'est un cadeau. C'est prendre du temps avec lui. Lui offrir un moment de ces moments libres que nous avons pour le rencontrer. Saint-Pierre, à un autre moment, dans l'évangile de Saint-Jean, a dit cette belle parole, « Seigneur, à qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À qui pourrions-nous aller, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'était un moment où tous les disciples étaient en train de lâcher Jésus parce qu'ils trouvaient que c'était quand même bien exigeant, cette affaire-là. Et il restait les 12. Puis Jésus leur dit, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et là, Saint-Pierre dit, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Où est-ce qu'on pourrait aller ?» C'est beau, c'est un bel acte de foi. Est-ce que nous aussi, on va le redire, cet acte de foi ? Est-ce qu'on va préférer aller à nos tablettes, notre internet, et puis toutes nos affaires qui finissent en « être » pour pourquoi finalement ? Est-ce que ça va nous combler ? Le Seigneur nous invite donc à prendre à un moment donné, c'est la première leçon me semble-t-il, à prendre de notre loisir pour l'offrir au Seigneur. Et le Seigneur nous dit « Merci du temps que tu m'offres, du temps libre que tu m'offres. » Une deuxième leçon que l'on peut tirer, mais c'est précisément les mots que l'on a entendus. On a beau des fois offrir du temps au Seigneur, comme ce soir, vous avez offert du temps dominical, libre, pour venir à la messe. Bravo. Mais, est-ce que vous vous êtes dit, les bons que nous soyons ici ce soir ? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bah voilà, c'est la messe, c'est dimanche, il faut que j'ai la messe, alors le matin ça va pas, je dors, et puis quand est-ce qu'il y en a ? Ah, le soir, ok, check, j'aurais eu la messe, c'est dimanche. On peut le vivre comme ça, mais ça goûte pas très, très, très bon. C'est comme quand vous vous dites, bah, le dimanche, j'ai le dîner chez la belle-mère, check, puis après, j'ai la promenade avec les enfants, check, et puis après, je vais sortir le chien, check. C'est un peu plate, des vies comme ça. Mais des fois, on fonctionne, on roule. C'est comme ça, c'est la routine. Bien, peut-être une leçon qu'on peut tirer de l'apôtre Pierre, c'est de nous dire, il est bon que nous soyons ici avec toi, Seigneur, et de le redire au début de chaque temps de prière avec lui. Que nous venions à la messe, que nous prions le chapelet, qu'on soit à prendre un temps d'oraison, quel que soit le style de prière que nous avons, redisons-lui, Seigneur, ça goûte bon qu'on soit avec toi, je suis heureux d'être là avec toi. Puis une troisième leçon, c'est, il me semble, de nous laisser surprendre par ce qui va se passer dans ce temps de prière, ou même dans cette messe, ou dans ce temps spirituel, dans cette rencontre avec le Seigneur. Quand Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, je ne sais pas ce que Pierre s'imaginait qu'ils allaient vivre. Il attendait peut-être rien. Il dit, on va se reposer, on va monter sur la montagne. Et puis, mais là, patatras, c'est la rencontre d'un visage du Seigneur comme il ne l'avait jamais vu. C'est la manifestation de Dieu. Pour Pierre, c'est une véritable effusion de l'Esprit Saint. Il comprend que le Christ est vainqueur de toute mort, qu'il est Dieu, qu'il est glorieux, qu'il maîtrise toute sa vie, qu'il est maître de sa propre vie. Pierre saisit ça. Ben nous, dans nos vies, ça peut arriver à n'importe quel moment de ces temps, des fois de disponibilité. Ça fait peut-être 20 ans qu'on a installé notre vie d'oraison, peut-être à la même heure, et bien heureux sommes-nous d'y être parvenus. Mais le Seigneur peut à n'importe quel moment venir surgir et nous faire goûter à quelque chose de nouveau. Osons croire à la nouveauté de chaque instant que nous lui offrons. Quand on devient prêtre, on nous apprend à célébrer la messe comme si c'était la première messe, comme si c'était la seule messe que nous allions célébrer et comme si c'était la dernière messe que nous allions dire. La première, la seule et la dernière. Quand on vit nos moments, chaque seconde avec cette intensité-là, ça goûte autrement meilleur. On sent cette puissance de la présence de Dieu et on la goûte à chaque instant. On veut rien en perdre. Et ça me venait en lisant un petit passage de la vie de Sainte Marguerite Marie qui a reçu ces révélations du cœur de Jésus au XVIIe siècle, à Paray-le-Monial, où elle disait, alors qu'elle vivait l'oraison, comme toutes les visitandines de son couvent, et puis un jour, au milieu de ses occupations, alors qu'elle avait peu de loisirs, dit-elle, « Dieu m'a fait découvrir pour la première fois des merveilles de son amour qu'il avait tenues cachées jusqu'alors. » Un jour. C'est l'instant de Dieu qui surgit, auquel je ne m'attendais pas. Et pourtant, il y a quelque chose d'inédit qui va bouleverser sa vie. Eh bien, vivons notre oraison de la même manière. Dieu peut, comme il l'entend, comme il le souhaite, selon son dessein, rendre notre rencontre avec lui comme un moment inédit. Alors oui, Seigneur, il est bon que nous soyons ici ce soir et nous voulons goûter à ta présence, toi qui te rends présent au milieu de nous à cet autel. Toi qui viens nous visiter déjà par cette parole et qui va encore nous visiter par le don de ton corps et de ton sang. Que nous te recevions vraiment, Seigneur, avec cette disponibilité, cette ouverture de cœur, que nous désirions te goûter avec une nouvelle ouverture en te laissant faire tout ce que tu veux faire en nos vies. Amen.